tête, elle est toujours allumée. Je voudrais qu'elle m'éteigne. Je voudrais rentrer chez moi, je voudrais rentrer chez moi. Je sais pas où me faire partout. Féminine qui est d'accord avec tout ce que je dis et qui fait bien la cuisine. Et la nuit, mec, putain d'endiablé, on a ralenti le temps, ça a duré des milliards d'années. Je sais même plus, j'ai tout oublié. C'était trop extra. Ouais. Bonjour, je désirais une intelligence artificielle de forme féminine qui est d'accord avec tout ce que je dis et qui fait bien la cuisine. Et la nuit, mec, putain d'endiablé, on a ralenti le temps, ça a duré des milliards d'années. Je sais même plus, j'ai tout oublié. C'était trop extatique, ouais. Je préfère un gros dodo mystique, ouais, pour l'éternité. J'en ai rien à foutre, de la vie à la foutre, des danses, de l'hôtel. Le contre la vie, tout le monde qui se lave, à se tourner. Je préfère un gros dodo mystique, ouais, pour l'éternité. J'en ai rien à foutre, de la vie à la foutre, des danses, de l'hôtel. Le monde de contre la vie, tout le monde qui se lave. C'est tout par les coups.